Gustave Flaubert et sa sulfureuse héroïne furent poursuivis pour atteinte à la morale publique et religieuse. Et bien sûr, j'attends avec impatience vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, à l'occasion de la commémoration des 100 ans de la bataille de Verdun, c'est d'un héros oublié que je vous parlerai, le capitaine Drian, un officier député français qui, en janvier 1916, tenta en vain d'alerter le haut commandement français de l'imminence d'une attaque allemande de grande envergure. Le capitaine Drian, c'est dimanche prochain. Dans quelques minutes, vous avez bien sûr rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.